إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Donc nous commençons ce huitième cours dans le recueil qui s'appelle Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslima. Nous sommes donc au quatrième épître qui s'appelle Adillatu hadhihi shuruti min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Les preuves de ces conditions, donc ces quelles conditions, bien sûr les conditions du La ilaha illallah qui sont au nombre de 7, donc les preuves de ces conditions, parmi le livre d'Allah Ta'ala et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et nous étions toujours dans la première condition qui est la ilm, la connaissance. Et nous allons lire, incha'Allah, quelques autres versets pour finir cette première condition qui est l'ilm, la connaissance du La ilaha illallah. Donc dans la surat As-Safat, au verset 35, Allah Azzawajal dit Innahum idha. Excusez-moi. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Donc là, Allah Azza wa Jal parle des polythéistes, des mouchikouns, des associateurs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui refusaient de dire la ilaha illallah. D'accord ? Donc, notamment les Quraysh, les mouchikouns du peuple, de la tribu de Quraysh. إنهم, certes eux, ces mouchikouns qui étaient notamment, comme je viens de le dire, la tribu de Quraysh, qui était la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kanu idha qila lahum, ils étaient, si on leur disait à eux la ilaha illallah, quand on leur disait la ilaha illallah, donc pas de divinité par droit illallah, yastakbirun. Donc yastakbirun vient du kibr, c'est-à-dire qu'ils prenaient le kibr, yastakbirun, le kibr. Le kibr les prenait. Al-kibr, c'est l'orgueil, d'accord? L'orgueil les prenait, c'est-à-dire qu'ils refusaient de dire la ilaha illallah et même d'acquiescer et d'attester que c'est vrai, qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah Azza wa Jal. Et ceci, comme je vous l'ai dit avant, est une preuve comme quoi le sens de la ilaha illallah, c'est il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah. La ma'boud bihaq illallah, il n'y a pas de chose qui reçoit l'adoration sauf par droit, sauf Allah, d'accord, et non pas la Rabb illallah, pas de maître, pas de maître, pas de créateur, pas de celui qui dirige l'univers, sauf Allah, non, parce que comme Allah Azza wa Jal l'a dit, wala in saltahum man khalaq as-samawati wal ard la yakunun Allah. Et si tu leur questionnes à eux, c'est Quraysh, d'accord, à eux, c'est mouchikoun, d'accord, ces associateurs, ces polythéistes, ces mécréants, si tu les questionnes, qui c'est qui a créé les cieux et la terre, ils répondent en qui? Allah. Donc ils reconnaissaient que quoi? Que la khaliqa illallah. Ils le reconnaissaient ça. Ils le reconnaissaient que la rabba illallah. Seulement il y a une chose, pour le ma'boud, pour le ilah, pour ceux qui reçoivent l'adoration, pour la divinité, ils disent non. Donc le sens de la ilaha illallah, c'est bien ici. Pas de divinité par droit, sauf Allah et la divinité dans le sens qui reçoit l'adoration. Maintenant nous allons voir dans un autre verset, inshallah. Dans la sourate Luqman, au verset 35, excusez-moi, c'est pas au verset 35, mais c'est 25. 35, c'était le verset de la sourate d'avant, As-Saffat. Maintenant, c'est le verset 25 de la sourate Luqman. Donc Allah Azza wa Jalla dit وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ. Donc si tu les questionnes à ces mouchlikouns, si tu questionnes ton peuple mécréant, ceux qui n'ont pas cru parmi eux, parmi les Quraysh, d'accord, man khalaqa as-samawati wal-ard, qui a créé les cieux et la terre, يقولون الله. Ils répondront, diront Allah. Donc ils reconnaissaient que le créateur c'était Allah Azza wa Jal, seulement lui. قل الحمد لله. Dis الحمد لله. La louange est à Allah. بل أكثرهم لا يعلمون. Mais la majorité d'eux ne le savent pas. Ils sont ignorants. Maintenant, nous allons entrer dans la deuxième condition qui est al-yaqin. Moi, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit wa dalil al-yaqin, et la preuve de la certitude. Qaluhu ta'ala, donc sa parole ta'ala, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. C'est dans la sourate Al-Hujurat au verset 15. Donc voilà, Allah Azza wa Jalla dit إنما المؤمنون. Donc إنما, comme je dis plusieurs fois, إنما c'est ce qu'on appelle en arabe Adatul Hasr. Adatul Hasr, c'est une particule qui va restreindre, c'est-à-dire que ce n'est que ça, ce n'est pas autre chose. Donc إنما المؤمنون, les croyants ne sont que quoi? Les croyants ne sont que الذين آمنوا بالله ورسوله, ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager Mohammed, bien sûr ici. ثم, et ensuite Lam yartabu, c'est ici qu'il y a le dalil. Ensuite, lam yartabu, ils n'ont pas fait le raib. Le raib, c'est le shak. Ensuite, ils n'ont pas douté. Et ici est le dalil. Thumma lam yartabu. Wajahadu, une sifat qui leur est particulière. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Et ils ont fait le jihad. Wajahadu, ils ont fait le jihad. Jahadu vient du verbe jahada yujahidun, yujahidu, excusez-moi, et le masdar c'est le verbe, c'est le nom, l'ism, le masdar c'est jihad. Jahada yujahidu jihadan. Donc ce sont ceux qui ont fait le jihad bi amwalihim, avec leur argent, leur bien. Wa anfusihim, et leur personne, leur corps. Et quand on dit que le jihad il est fait par le nafs, c'est le jihad par l'épée. Quand on dit que par bilisen, par la langue, c'est par le prêche, et par l'argent, ça englobe les deux. D'accord? Et là, comme il y a marqué fusihim, c'est par leur bien, c'est par leur personne, par leur corps, donc c'est bien par l'épée. Fisabilillah, dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, pas dans le chemin du tarout. Hein, d'accord? Et tout ce qui amène au tarout. Oulaïka humus sadiqoun, ce sont eux les véridiques. As-sadiqun min as-sidq, c'est ceux qui font le sidq. As-sadiqun, c'est ism fa'il, il va faire sadaqa as-sadiqu, fa huwa sadiq. As-sadiqun sont les véridiques. Leur véridique dans quoi? Dans leur prétention de al-iman, de la foi. Qu'Allah nous mette parmi al-mujahidin fi sabilillah. Donc c'est très important. On voit que ceux qui font vraiment le djihad par l'épée, ce sont vraiment, et qui croient en Allah et en son messager, qui n'ont pas de doute, ce sont eux les véritables. Ce sont eux les véridiques dans leur prétention de la foi. Bon. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah dit maintenant: fashtarata fi sidq imanihim billahi wa rasulihi kawnahum lam yartabu ay lam yashukku. Donc Allah azza wa jalla a mis en condition dans la véracité de leur foi en Allah et en son messager, quoi, à ce qu'ils ne doutent pas, ils n'ont pas de doute, ils n'ont pas de suspicion. Fa'ammal murtab. Quant à celui qui doute, qui n'est pas sûr si c'est vrai qu'il y a la ilaha illallah, il y a peut-être une autre divinité, peut-être qu'on peut adorer d'autres. Celui qui doute, même s'il dit la ilaha illallah, même s'il fait sa prière, mais celui qui doute, fa'huwa minal munafiqin. Alors il est parmi les munafiqin. Et le munafiqin ici, c'est ceux qui professent l'islam, qui attestent, qui disent la shahada, ashhadu la ilaha illallah, ou ashhadu anna muhammad rasulullah, qui vont faire leur prière, le hajj, etc., peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ont un doute, ils sont pas sûrs vraiment, en fin de compte, ça se trouve, on peut adorer autre qu'Allah, et le fait, simple fait d'avoir un doute, et ben ça annule cette shahada, même si la personne le dit, et devient mécréant. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit, وَمِنَ السُّنَّةِ. Donc maintenant, on a vu un dalil parmi le Coran, parmi la parole d'Allah Azza wa Jal. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est celle qu'on lit en arabe, c'est pas la traduction en français, ou en russe, ou en chinois, ou en anglais, ou je ne sais quoi. Mais c'est celle qui est dit en arabe. Allah Azzawajal, pour la dernière révélation, sa dernière révélation, il a parlé en arabe, et avant il parlait dans d'autres langues. Comme pour la Torah, il a parlé en langue de Moïse qui était l'hébreu. Petite parenthèse. Wamina Sunna, et parmi la Sunna, c'est-à-dire parmi les hadiths, ici il veut dire parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al hadith thabit fi sahih. Et c'est le hadith qui est thabit, qui est mis en place dans le sahih, comme je l'ai dit la dernière fois, dans le sahih, le mot as-sahih aussi, l'authentique veut dire soit le sahih Bukhari, ou soit le sahih muslim, ou soit dans les deux. An Abi Hurayrata radiallahu an. D'Abi Hurayra radiallahu an. Il a dit. Donc là c'est Abu Hurayra qui a dit quoi? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa anni Rasulullah. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je témoigne, achadoun, la ilaha illallah, wa anni rasulullah, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, et que je suis le messager d'Allah, donc c'est lui-même qui parle, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La يلقى الله بهما, il n'y a il n'y a pas un esclave, parce que toute créature est un esclave d'Allah, parce que l'esclave c'est quelque chose qui est appartenu, d'accord, c'est une possession, nous sommes tous, tout dans l'univers est une possession d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal possède tout ce qu'il y a dans l'univers, les soleils, les planètes, les plantes, les animaux, les djinns et les êtres humains, tout ce qu'on peut trouver, que ce soit les atomes ou autres, tout est une possession d'Allah Azzawajal, dont nous sommes tous des esclaves par rapport aux êtres humains. Pour Allah Azzawajal, il nous possède. Donc, la yakallah bihima abdun, il n'y a pas un esclave, donc un être humain ici, voire même aussi, le djinni, qui rencontre Allah Azzawajal avec ces deux-là, et c'est-à-dire avec les deux attestations, parce que l'attestation, comme on dit, en fin de compte, il y a deux attestations dedans. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, et la deuxième partie qui est que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas un seul esclave qui rencontre avec ces deux attestations Allah azawajal, ghayru shakin, sans douter. C'est-à-dire qu'il faut fihima, sans qu'il y ait de doute, fihima, dans ces deux choses, dans ces deux attestations. Il l'a de Khalal Jannah sans qu'il rentre au paradis. Et ce hadith est rapporté dans le Sahih de Muslim, dans le hadith juste après celui qu'on a cité avant, qui c'est le numéro 27. Voilà. Et comme le Cheikh Mohammed ibn al-Waham, rahimahullah, il va dire un autre hadith ensuite, mais on va lire avant tout une petite annotation, inshallah. Le Sahih, l'ancien musulman numéro 27, ça m'arrive. La yuqal, lima amarana bihada rabbuna. Ici, on va lire une petite sagesse, inshallah. On ne dit pas, il ne convient pas de dire ceci. D'accord? Écoutez bien, il ne convient pas de dire ceci. Lima amarana bihada rabbuna. Pourquoi notre Seigneur nous a ordonné de faire ceci? D'accord? Cette parole pousse au doute. Et sachez que les salafis ne posaient pas cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand c'était les sahaba ou les autres qui sont venus après. Ils ne disaient pas pourquoi notre maître nous a ordonné ceci. D'accord? Mais c'est plutôt ceci est plutôt le comportement des juifs. Balnakul, mais on dit bima amarana rabbuna. Qu'est-ce que notre Seigneur nous a ordonné? D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne doute pas du tout, mais on ne doute en rien que notre Seigneur, Allah Azzawajal, quand il nous ordonne de faire quelque chose, c'est qu'il y a un bien de cela. Donc on ne doit pas questionner pourquoi on doit faire ça. Pourquoi on a prié 5 prières? Pourquoi on a jeûné le mois du Ramadan? Pourquoi on a fait ceci? Pourquoi il nous a interdit cela? Pourquoi il nous a interdit cela? Cela pousse au doute, et cela est une voie du shaitan. Mais le croyant, il pose la question, qu'est-ce que Allah Azzawajal nous a ordonné? De quoi Allah Azza nous a interdit, afin qu'on fasse ce qu'il nous a donné et qu'on s'éloigne de ce qu'il nous a interdit. Allah Azzajal a dit: Afahukman jahiliyati yabghoun. Waman ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinoun. C'est dans la sourate Al-Maïda, le verset 50. Afahukman jahiliyati yabghoun. Est-ce que c'est la loi de la période pré-islamique, donc la période du Kouf, qui veulent, qui désirent? Waman ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinoun. Mais qui est meilleur qu'Allah Azzawajal dans la loi pour un peuple qui a la certitude? Yokenoun. Yokenoun, c'est du verbe yokenou. D'accord? Là, c'est le jam mudakkar salim. Pas salim, mais c'est le jam mudakkar, excusez-moi. Yokenoun. Ra'ib. Le mufrad yokin. Le passé, c'est aykana. Pour ceux qui comprennent un peu l'arabe, Inch'Allah, parce que c'est là qu'il y a le dalil dans ce verbe-là. Le verbe au passé, faire le mardi du verbe yuqinu, c'est aykana. Et aykana, c'est à la wazn af'ala, donc c'est un verbe rubari. Et la base, c'est la base du verbe et de trois lettres, c'est al-ya, wal-kaf, wal-nun. Et al-yaqin, qui ont la certitude. Donc ceux qui ont la certitude de cette. Parce que là, on est dans. La condition de Aliyah qui est une incertitude. Ceux qui ont une incertitude ne veulent que Hukm Allah, ne veulent que la loi d'Allah. Et ceux qui veulent autre que la loi d'Allah n'ont pas la certitude, n'ont pas l'yakin. Donc ceux qui veulent autre que la loi d'Allah ont une condition parmi les sept conditions pour que la ilaha soit valide. Donc ces gens-là ne sont pas musulmans, ce sont des koufars. Et s'ils prennent l'islam, ce sont des murtadoun, ce sont des apostats. Et c'est dans ce verset-là. C'est dans ce verset-là que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, vient et a décrit, d'ailleurs on le lira plus tard, Inch'Allah, sa parole, parce que ce n'est pas vraiment le moment. C'est comme quoi ceux qui jugent, qui jugent et qui, notamment qui légifèrent, mais qui mettent la loi autre qu'Allah sur les gens, eh bien sont des koufars. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent autre que la loi d'Allah Azzawajal n'ont pas la certitude et donc ont une condition qui n'est pas remplie et leur shahada est invalide. Wal'iyadhu billah. Il nous reviendra en détail pour tout ce qui est le hukm bi'ayni ma anzalallah, pour tout ce qui est la loi de ce qui est en dehors d'Allah Azzawajal qui est du kufr. Maintenant, nous revenons à ce qu'a dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et dans une version, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yakallah bihima abdun ghayru shakkin fihima la yuhjabu anil jannah. Il n'y a pas un esclave qui rencontre Allah avec ces deux attestations, ghayru shakkin fihima, sans douter en eux deux, en ces deux attestations, fa yuhjabu anil jannah, alors qu'on le mettra à hijab, c'est-à-dire. Pas, on ne va pas dire ainsi un rideau, mais plutôt un voile, c'est-à-dire qu'on le voit là, donc il ne pourra pas aller au Jannah. وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل et de Abu Huraira aussi, d'un long hadith, donc là il va prendre juste une petite partie d'un hadith, le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, mais qui se trouve aussi dans le Sahih et dans le Sahih Muslim, qui est le numéro 31. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man laqita min wara'i hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Donc ça, il faut savoir parce que le hadith c'est un peu long, j'ai juste dire comment situer ce hadith pour le comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un jardin. Et Abu Huraira était venu à lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ceci quand il allait partir du jardin. D'accord. Après, il y a une histoire avec Omar, radiallahu anhum, mais ça ne concerne pas. Enfin, c'est très intéressant, mais ça va prendre trop de temps. On ne va pas vous lire toute l'histoire, on va juste citer et comprendre ce passage que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimallah, a pris. Donc voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Huraira de dire ceci quand il va partir de ce jardin. Man laqita min wara'i hadha al-ha'it. qui que tu rencontres de derrière ce mur, yashhadu an la ilaha illallah, et il témoigne qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, mustayqinan biha qalbuhu, et c'est là qu'il y a le shahid, le témoin, mustayqinan, donc le mustayqinan c'est le isme fa'il du verbe istayqana, et istayqana c'est comme aïkana, la base c'est al-yaqin. Donc il y a al-yaqin, qui a la certitude en elle, en cette attestation, qalbuhu, et c'est son cœur, c'est-à-dire que son cœur a la certitude de cette attestation, fabashirhu bil jannah, alors fais-lui la bonne annonce du paradis. Voilà. Dans le Sahih Bukhari, fi Sahih Bukhari, au numéro 6306, dans le livre de l'imam Bukhari, dans son Sahih, Kitab al-Da'awad, dans le livre, dans le chapitre, le grand chapitre qui s'appelle al-Da'awad, les invocations, l'imam Bukhari a mis ce nom de chapitre. Babu Afdal l'Istighfar, le chapitre de la meilleure demande de pardon. Quelle est la meilleure demande de pardon? Et bien voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner, maintenant il va citer le hadith, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner quelle est la meilleure demande de pardon. Et donc là, toutes les sectes soufis qui viennent avec des zikres, avec des demandes de pardon, que leur chair a soi-disant pris du prophète dans le rêve, ou encore pire, de que dire ça, en étant éveillé. Quand je dis pire, c'est pas par rapport au rêve, on peut voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, mais c'est qu'ils disent comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné un autre zikre après sa mort, et que ce sera la meilleure demande de pardon. Et ben non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant nous a bien donné c'est quoi la meilleure demande de pardon, la voici. Et c'est dans le Sahih Bukhari. An Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Excusez-moi. D'abord, An Shaddad ibn Aous. Donc, de ce sahabi, Shaddad ibn Aous. An Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Sayyidul istighfar. Sayyid al-istighfar. Sayyidul istighfar. Donc, le Sayyid de l'istighfar. Donc, celui qui demande la pardon. Le mot Sayyid, il faut savoir, c'est. En arabe, ça veut dire aussi Ra'is. C'est-à-dire le raïs, celui qui est à la tête. Alors raïs, à notre époque, on appelle ça le président. Mais raïs, il y a un mot, notamment ra, celui qui est à la tête de la tribu, d'accord, à la tête de ceci. Donc celui-là qui est à la tête de la demande du pardon, donc c'est celui-là qui est le mieux pour demander, celui qui fait le mieux pour la demande de pardon. Là voilà. Antakul, est-ce que tu dis ceci? Et il a cité le hadith. Allahumma anta rabbi. Oh Allah, anta rabbi. Tu es mon maître. Donc ça, on reconnaît, on commence par Oh Allah, par interpeller Allah, par son nom Allah. Allahumma. Alors Allahumma, il faut savoir, ça, on l'étudie dans le Nahou notamment. Allahumma, ce mot, l'Allahumma, en fin de compte, il y a deux mots dedans. Il y a Allah et il y a le mim qui est mushaddada. Allahumma. D'accord? Allahumma. Et le ma, le mim, mushaddada, ça remplace le adat al-nida qui est le ya. Ya, donc on n'a pas le droit de dire en même temps ya Allahumma. Soit on dit ya Allah ou soit on dit Allahumma. D'accord, donc le mim mushaddada remplace le ya. Si vous enlevez le mim, donc vous trouvez le mot Allah. Donc ça veut dire oh Allah. Anta Rabbi, tu es mon maître. Donc là on reconnaît le rububiya, la seigneurie d'Allah, comme quoi il est le seul à avoir tout créé, à tout gérer l'univers, etc. Tout ce qui concerne le tawhid al-rububiyya, qu'on va étudier, inshallah, bientôt, bi'idhnillah. La ilaha illa ant. Donc il reconnaît le tawhid al-rububiyya ici, d'accord, c'est de l'istighfar, celui qui fait le seuil de cette dua, et donc qui devient seuil de l'istighfar, qui devient le celui qui est à la tête de la demande du pardon. La ilaha illa ant, pas de divinité par droit, sauf toi, donc là, la reconnaissance du tawhid al-ribada. Khalaqtani wa ana abduk. Tu m'as créé wa ana abduk et moi je suis ton esclave. Je suis ta possession. Tu me possèdes. Wa ana, donc là il y a, on reconnaît qu'on est esclave d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que lui, il nous possède. Donc là on s'humilie. Wa ana ala ahdika wa ahdika ma istata'ta. Et moi je suis sûr. Ahdika wa ahdika. Alors, c'est la promesse excusez-moi, on va dire, c'est le pacte. Donc on a fait un pacte avec Allah Azza wa Jal, comme quoi nous allons adorer lui seul, comme on verra dans, notamment dans Ayat al-Mithaq, dans le verset d'al-Mithaq. Le Mithaq est aussi un nom du pacte, que tout être humain a fait un pacte à Allah Azza wa Jal avant d'être envoyé, avant que son esprit soit envoyé dans le fœtus. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Wa ahdika est ta promesse, c'est-à-dire la promesse. Et bien que si moi j'accomplis bien le pacte sur terre, qui est bien sûr adorer Allah Azzawajal seul, et bien la promesse c'est quoi? C'est de rentrer au paradis. Mastatart, de ce que je peux. Et là c'est très important. Ce hadith, subhanallah, cette doua a plein de fawaïd, comment dire, de profit sur plein de choses. Subhanallah. Comme le professeur a dit. Et on m'a donné le fait de, avec peu de mots, je dis beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses. Donc, de ce que je peux, donc là, mastatar, de ce que je peux. Eh oui, car Allah Azzawajal ne nous a pas chargé, sauf de ce que nous pouvons. Et ça, c'est une rahma, une miséricorde d'Allah Azzawajal, il faut l'accepter et il faut le faire avec. Donc, quand il y a une permission à faire, d'Allah qui nous donne, il faut la faire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah yakrahu, excusez-moi, Inna Allah yuhibbu, an yu'ta bi rukhasihi kama yakrahu an yu'ta bi ma'siyatihi. Allah azza wa jalla aime qu'on vienne avec ses permissions, comme il déteste à ce qu'on vienne avec sa désobéissance. Il y a plusieurs versions. Donc, c'est-à-dire quand il y a des permissions, faire le tayammum ou autre chose, ou pouvoir regrouper ses prières, par exemple, ou autre, donc ça, on étudie toutes ces permissions, notamment dans le fiqh, eh bien, il faut les prendre. Et c'est un bien d'Allah, et Allah aime qu'on vienne avec ces permissions. Ensuite, A'udhu bika min sharri ma sana'at. Je prends protection auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait moi, sana'at. Ce que j'ai fait. Donc on affilie le mal à soi-même. Pas à Allah Azza wa Jal. On va pas se décharger aussi sur le shaitan. On va dire non, j'ai fait ça, mais c'est le shaitan, comme disent beaucoup malheureusement. Et là, j'en profite pour dire un verset très important sur ce sujet. Ceux qui se déchargent toujours sur le shaitan. Ah, oh, c'est le shaitan. J'ai fait ça, mais c'est le shaitan. Ta parole, c'est une parole qui tient aussi un peu du shaitan. Allah Azza wa Jalla a dit ceci. Ou encore le shaitan lam qudir amr. Et le shaitan dira lorsque l'affaire sera finie. Ou encore le shaitan lam qudir amr. Et le shaitan, le Satan, Iblis, dira lorsque l'affaire sera finie. Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqa. Certes, Allah vous a promis de la promesse de vérité. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Et je vous ai promis et je me suis dédié. J'ai manqué à la promesse. D'accord? وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Et je n'avais pas sur vous d'autorité, de pouvoir, sultan, min sultan. Illa, sauf quoi? Sauf de faire quoi? Illa an da'awtukum, sauf de vous appeler, darwa, de vous appeler, par les waswas ou autres, faire darwa. Alors quoi? Fastajabtum li. Alors vous m'avez répondu. D'accord? Fala talumuni walumu anfusakum. Alors ne me blâmez pas et blâmez vous-même. Donc toute personne qui n'arrête pas de dire, qui dit parfois, oh, c'est pas moi, c'est le shaitan qui a fait ça, etc. C'est vrai, j'ai fait ce péché, mais c'est le shaitan qui m'a poussé. Ton excuse, elle est invalide. Le shaitan t'a poussé, certes, mais toi tu lui as répondu et tu n'avais pas à lui répondre. Et le shaitan s'innocentera. Il va s'innocenter le jour de la résurrection. Et te retrouveras seul, toi, avec ton péché. Tu n'avais pas à lui répondre. Et on peut aussi citer le verset que j'avais lu la dernière fois, dans le cours dernier, où le shaitan, il dit à la personne, à l'être humain, « Okfur, deviens mécréant. » Et quand il a fait de la mécréance, l'être humain, il dit « Oh, moi je suis innocent de toi. » Mais qu'est-ce qui se passe? Comme dans le verset qui vient après, et la conséquence de ceci, c'est quoi? C'est que les deux, le shaitan et celui qui a répondu au shaitan, eh bien les deux sont en enfer éternellement. Je continue le verset. Ma ana bi musnikhikum wa ma antum bi musnikhikum. Je ne suis pas à vous secourir, et vous non plus, vous n'êtes pas à me secourir. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Le shaitan dira ça le jour de la résurrection. Inni kafartu. Moi, certes, je renie bima ashraktumuni min qabl, ce que vous m'avez associé avant. Il va s'innocenter, comme quoi on l'a adoré. Ça ne le profitera pas. Inna al-zalimina lahum 'adhabun alim. Certes, les injustes ont un châtiment douloureux. Qu'Allah mette parmi les justes, pas parmi les injustes. Et dans le Coran, le mot zalim, l'injuste, souvent ça veut dire al-mushrikoun. Allah azza wa jalla a dit inna dhulm, inna shirk, excusez-moi, inna shirk la dhulmun 'adhim. Certes, le shirk, l'associationnisme, la dhulmun azim, est une injustice azim, énorme. Donc Allah Azzawajal a décrit l'associationnisme, le fait d'adorer autre qu'Allah Azzawajal, que c'est une injustice dhulm azim, énorme. Donc celui qui fait du shirk, il est zalim. Comment ça se fait? On trouve aussi que certains savants ont dit que le zulm soit wad shafi raïmaudirihi. Que le zulm, l'injustice, c'est quoi? C'est de mettre une chose autre que dans son endroit. C'est ça, le zulm. D'accord? Et quand on fait du shirk, on fait quoi? On met l'adoration, mais pas dans son endroit. Car l'endroit de l'adoration, qui lui est dû, c'est le fait d'adorer Allah Azzawajal. L'adoration, on va donner à Allah Azzawajal. Donc celui qui va donner une adoration autre qu'à Allah Azzawajal, il va être injuste. Car il va mettre l'adoration dans un endroit qui ne lui est pas dû. Voilà. Je reviens à la Doura de Sayyid al-Istighfar. Donc, A'udhu bika min sharri ma sana'at. Je prends protection auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait moi. Abu ou la kabiniyamatik. Abu bimana artalifu. Je reconnais, je te reconnais, donc je reconnais laka pour toi, biniyamatika alei. Je reconnais du bienfait que tu m'as mis sur moi. Bienfait, ça englobe tout. Les bienfaits de cette dunya, comme le fait d'avoir la bonne santé, le fait de pouvoir vivre, etc., la nourriture, et le bienfait aussi pour ceux qui sont croyants, qui ont l'islam, le bienfait d'être, et qui a le meilleur, plus grand bienfait qu'on peut trouver sur terre, le fait d'être musulman et de mourir sur l'islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez pas seulement en étant soumis, muslimun, musulman. Allah Azza wa Jal. Ou abu ou la kabidambi. Et je reconnais pour toi mon péché. Farfirli. Alors pardonne-moi. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Car il n'y a personne qui pardonne les péchés sauf toi. قَالَ. Et voici, l'invocation est finie. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قَالَ. وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ. Et celui-là qui l'a dit, donc qui a dit cette parole-là, مِنَ النَّهَارِ, dans la journée, Mokinan biha. Et ici le shahid, ici il y a le témoin. Mokinan, c'est le ism fa'il du verbe aykana yokinu, qu'on a vu avant, donc d'al yakin, qui a la certitude biha. par elle, par ce qu'il a dit. Et dedans, on retrouve la ilaha illallah au début de l'invocation. Quand il a dit Allahumma ana abduk, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Donc il faut avoir la certitude de, comme quoi Allah c'est notre maître, que la ilaha illa ant, il n'y a pas de divinité sauf, il n'y a pas de divinité par moi sauf toi. Khalaqtani, et c'est toi qui m'as créé, etc. Jusqu'à la fin, il faut qu'il dit cette parole et qu'il a la certitude en la disant. Et qui dit ça dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Famat, et qui meurt, Miniomi, et qui meurt de ce jour-là, Kobl en Yumsiya, avant qu'il rentre dans la soirée, Fahuwa min Ahlil Jannah, alors il fait partie des gens du Jannah. D'accord? Deuxième mérite de cette doura. La première mérite, c'est que quand on lit cette doura, on devient Seigneur de l'Istighfar, on devient le maître, celui qui est à la tête de la demande du pardon. Et là, on balaie toutes les sectes soufis qui viennent avec leur soi-disant invocation qui viennent du prophète Rassam et qui sont des innovations. Et en disant c'est eux qui ont la meilleure demande de pardon, c'est faux. Prétendez-vous que le prophète Rassam ment? Deuxième bienfait, c'est que quand on le dit, cette doura, et avec sincérité, et notamment ici avec Bil Yaqin, avec la certitude de tout ce qu'on dit, c'est vrai, d'accord? Tout ce qui a été cité. Et qu'on meurt, qu'on dit dans la journée, d'accord, on va dire, le mieux c'est de le dire au début du matin, et qu'on meurt avant de rentrer dans la soirée, eh bien cette personne-là rentrera au paradis, et nous demandons à Allah Azzawajal qui nous mette parmi ceux qui rentrent au paradis. Ensuite le prophète sallam a dit, « وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ » celui qui le dit dans la nuit, « وَهُوَ مُوكِنُنْ بِهَا » et il a l'yakin, il a la certitude de ceci, et qui meurt avant de rentrer dans le matin, فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, alors il fait partie des gens du paradis. C'est une doura notamment que vous retrouvez généralement dans les livres des invocations du matin et du soir. Malheureusement, dans beaucoup de ces livres, ils ne disent pas les mérites de telle et telle invocation, mais certains disent le mérite. Le mérite, il y en a deux qui a été dit par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Être Sayyid al-Istighfar, devenir Sayyid al-Istighfar, être à la tête de celui qui demande le pardon. Et le deuxième bienfait, c'est que si on meurt dans la journée, alors qu'on a dit cette doua, ou si on a dit dans la journée, dans la journée, et si on a dit dans la nuit qu'on meurt dans cette nuit-là, et qu'on l'a dit et avec la certitude, eh bien, on fait partie des gens du paradis. Voilà, maintenant nous allons, bi'idhnillahi ta'ala, continuer. Et nous avons fini, je regarde, oui, nous avons fini la preuve de la certitude, les preuves de la Qur'an, de la Sunna. Maintenant, Inch'Allah, nous allons rentrer, je vais voir si on a un peu de temps ou pas. Oui, Inch'Allah. Oui. Dalilul Ikhlas, donc la troisième condition, Dalilul Ikhlas, c'est maintenant on rentre dans la preuve de la sincérité. Adorer Allah Azzawajal seul. Le contraire de l'ikhlas ici, c'est l'associanisme, le polythéisme. Qawluhu ta'ala, là, sa parole, ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Certes, c'est à Allah que revient la religion al-khalis pure. D'accord? Al-khalis. Al-khalis. Et donc, vous vous retrouvez par rapport à l'ikhlas, sauf que l'ikhlas, c'est le masdar du verbe akhlasa. Et khalis, c'est l'ism fa'il du verbe khalasa. Maintenant, nous allons lire, Inch'Allah, dans Surat Az-Zumar, le verset 3, qui est justement ce morceau de verset qu'on en vient de lire. Voilà Surat Az-Zumar, verset 3. Ala lillahi dinul khalis. Certes, c'est à Allah que revient la religion pure. Khalis, donc l'ikhlas, pure, c'est-à-dire qu'on ne doit rien donner comme dans la religion, notamment comme on dit. Comme je répète, je martèle, toute adoration ne doit être qu'à Allah Azza wa Jal. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا. Et ceux qui prennent en dehors de lui, donc en dehors d'Allah Azza wa Jal, أَوْلِيَا, des alliés. Pourquoi ils les prennent alliés? Écoutez ce qu'ils disent. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَا. Voilà, quel argument ils donnent pour adorer autre qu'Allah. Nous ne les adorons pas, donc tout ce qui est en dehors d'Allah, ils disent nous ne les adorons pas Seulement pourquoi? Liyukarribuna ila Allahi zulfa. Seulement pour que cette divinité-là nous rapproche d'Allah Azzawajal. Eh oui. Comme vous pouvez voir aussi, certaines personnes qui se disent musulmans mais qui sont des koufas, des mouchrikoun, qui adorent autre qu'Allah Azzawajal, s'ils vont adorer des tombes ou autres. Et quand vous leur dites, mais tu fais des adorations, bon déjà, ils vont dire, non, c'est pas une adoration, mais quand on se prosterne, qu'on égorge pour Allah, pour autre que pour Allah, et qu'on fait des adorations qu'on va étudier notamment, Inch'Allah, c'est une adoration, même si la personne prétend que ce n'en est pas une. Et ils disent, en plus de ça, ils viennent à une autre choubha, une autre ambiguïté, qui est, mais nous ne faisons pas ceci, sauf pour que ces personnes-là nous rapprochent d'Allah. Et on leur dit, ben voilà, vous avez exactement la même prétention, la même ambiguïté que venait avec les mouchrikoun, les polythéistes de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où ils disaient, Ma na'buduhum illa liqarribuna illa Allah, Ma na'buduhum illa liqarribuna illa Allahi zulfa. Et nous ne les adorons pas, c'est-à-dire ces statues qu'ils avaient notamment à la Mecque, d'accord, plus de 300, oui, plus de 300 statues. Il y avait autant de jours dans l'année qu'il y avait de statues. Donc, je ne me rappelle plus, des jours dans l'année, je suis désolé. Donc, il y avait plein de statues, les adoraient. Et ils disaient, ben, nous adorons ces statues seulement pourquoi? Pour qu'ils nous approchent d'Allah. Donc, ils ne cherchaient pas, en fin de compte, à ce que ces statues les fassent rentrer au paradis ou autre. Non, ils espéraient de ces statues que ces statues-là allaient intercéder auprès d'Allah pour eux. D'accord? Mais seulement, ils faisaient du shirk. En faisant des adorations pour ces statues, ou pour autres, pour les statues, comme par exemple pour les chrétiens qui font du shirk, de la satanisme, avec Jésus ou voire Marie, en les invoquant ou autres, en faisant des adorations envers eux. Voilà. Inna Allah yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifoun. Certes, Allah jugera entre eux en ce quoi ils divergeaient. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Certes, Allah ne guide pas celui qui est un menteur, kaffar, qui fait beaucoup de kufr. Un mécréant qui fait beaucoup de kufr. Qu'Allah nous préserve du kufr et du mensonge, qu'il nous mette parmi les véridiques en toutes choses. Car le mensonge mène en enfer, alors que la vérité, la véracité d'être toujours véridique, mène au paradis. Nous nous arrêtons ici pour ce cours et nous reprendrons au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.